Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Prix orange, prix citron, on va en parler avec notre collaborateur Marc Diquet. Salut Marc. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Marc, prix orange, prix citron, d'habitude c'est facile à trouver, mais puis des fois c'est même très difficile. Ça paraît facile, mais c'est pas facile tant que ça. Hein? Non, ça dépend dans quel monde on est, je te dirais, mais honnêtement, dans le monde du sport, moi je trouve qu'on a un automne qui roule quand même bien. Ouais. C'est quand même intéressant. Effectivement. Mais écoute, tu veux que je commence par l'orange? Oui, par l'orange. Par l'orange, écoute, moi je donne aux Marquis. Ah, OK. Parce que moi j'avais des doutes avec les Marquis cette année parce qu'ils ont quand même fait plusieurs transactions. Il y a des vétérans de qualité, Paiement, Carpentier qui sont partis. Puis, tu sais, Benoît Graton, c'est quand même un coach qui est plus recru, mais c'est un coach qui n'a pas énormément d'expérience. Puis j'avais des craintes un peu. Et là, mine de rien, les Marquis sont rendus à 4 victoires de suite. Ils ont gagné hier, ce soir contre Saint-Georges à Jonquière. Fait que visiblement, la défensive, le repêchage également. Les jeunes défenseurs qu'on a amenés, je pense, ça commence à prendre ensemble. La chimie commence à prendre dans ce vestiaire-là. Puis j'aime beaucoup Goulakos, Spiro Goulakos. Trois buts de passe. C'est un Québécois, ça, qui a évolué dans l'ombre. Tu sais, junior 3A, après ça, il est allé dans les collèges américains. Fait qu'on l'a jamais vraiment vu à Chicoutimi, au Saguenay. Mais honnêtement, c'est y a des belles trouvailles au sein des Marquis. Puis je sais que le retour de McMorrow, moi personnellement, je suis pas son fan numéro 1, c'est un chic type, mais je suis pas son fan numéro 1, mais ça fait l'affaire de bien des partisans, j'imagine que dans ce temps-là, ils sont contents, tu sais. Ben. Fait que non, sincèrement, les Marquis, ça fait pas beaucoup de bruit malheureusement, mais je pense que là, il y a un début de saison très, très, très intéressant, après un début de saison qui laissait place à certaines interprétations, mais là, depuis quelques temps, depuis 2 semaines, ça va très bien pour les Marquis, puis c'est le secret de la Ligue nord-américaine, si tu gagnes tes fins de semaine, c'est là que tu commences à t'échapper, puis, tu sais, partager une fin de semaine, perdre une fin de semaine, ça, c'est pas long, ça fait dégringoler. Mais quand tu gagnes 2 fins de semaine de suite comme ça, peut-être même 3, là, ça paraît, puis ça fait du bien pour l'équipe. Là. OK. Donc, c'est ça, donc, ton prix citron maintenant? Écoute, c'est pas le prix citron de l'année, là, je pense pas, mais c'est l'utilisation de Charles Hudon avec les Canadiens. Ah, OK. Parce que les Canadiens, on peut, à moins de faire comme Réjean Tremblay, puis aller à Moscou, puis déterrer des harnais qui l'ont rendu fin et sympathique depuis qu'il joue plus le Canadien. tu sais, c'est dur, là, critiquer le Canadien présentement, ça va quand même bien, mais l'utilisation de Charles Hudon, je la comprends pas, puis ça date de l'an passé. Effectivement. T'sais, on dirait que la minute que Charles fait un mauvais jeu, whoop, on tire sa laisse, puis la laisse rebondit sa galerie de la presse. Tandis qu'Andrew Shaw, ce gars-là, malheureusement, je pense qu'on va devoir en venir à la conclusion qu'il n'apportera jamais rien vraiment de concret. Puis Nicolas Deslauriers, qui est un Québécois que j'aime bien, mais Deslauriers, l'an passé, est-ce que ça a été trop beau pour lui? Je veux dire, ça a-tu été trop... On se rend compte, la vitesse, tu sais, la vitesse, c'est la clé, dans le national de hockey. Un gars comme Antoine Roussel, qui est un dur à cuire, mais avec du talent, on s'entend, là, est capable de jouer parce qu'il est un bon patineur. Fait que si tu patines pas, ça va pas super bien. Puis Nicolas Deslauriers, c'est pas le meilleur patineur de la ligue, on s'entend là-dessus. Fait que, tu sais, Mathieu Pekka, je ne comprends pas pourquoi Charles Hudon n'est pas utilisé au moins sur la 4e tiro du Canadien. Puis, tu sais, il y en a un autre là qui commence à me tomber ses nerfs, c'est Yoel Armia. Oui, il a fait un but l'autre jour, merci à Kotkaniemi, là. Mais tu sais, on va se rendre compte vite que c'est pas un grand joueur de hockey, là. Puis tu sais, t'as Charles qui ronge son frein, sa galerie de presse. Puis tu sais, moi j'entends souvent les gens dire, ah, Charles, donc peut-être une petite tête folle. Oubliez ça, là. Pour l'avoir côtoyé quand même de près pendant 2 étés, là. Il s'occupe de sa famille. Ça semble un gars sérieux. Alors, c'est un gars très, très, très sérieux, tu sais, là. Fait que, honnêtement, je ne comprends pas celle-là. Puis, si on veut l'échanger pour les niaiser, échangez-le au PC. Puis, écoute, je vais le dire, mais de façon modérée. OK, c'est modéré ce que je vais dire là. Mais Charles Hudon, attention si vous voulez l'échanger. Hein, ça peut être un autre Mike Ribeiro en puissance. Je dis pas qu'il... Tu sais, on s'entend qu'hors glace, oubliez ça. Il y a aucune comparaison entre les deux. Mais il pourrait peut-être faire mal paraître l'organisation à très court terme. Là, OK, OK. Fait que donnez-y des chances avant de le clouer sur sa galerie de presse rendu là. Ben oui. Puis surtout que ça ne fit pas du tout avec la nouvelle philosophie qu'on voulait se donner du Canadien. Hein, la nouvelle... tu sais, c'était... vétéran, recru, il n'y en avait pas de passe-voix. Te rappelles-toi, c'était ça au début de saison. On était tout heureux que Claude Julien envoie sur le banc, sur la galerie Pace, Carl Hasner et Thomas Mécanique. Et on disait, enfin, ça va aller au mérite. Mais qu'est-ce qu'Andrew Shaw fait que Charles Hudon ne fait pas? Ben, ça le va au mérite, honnêtement. Ouais. Tu sais, t'as parlé de Carl Hasner. Ouais. Mais il y a juste Charles Hudon là, qui nous. Mais tu sais. As-tu jamais vu ça, un club parfait? As-tu jamais vu ça, un club qui prend toutes les décisions que toi tu prendrais et tu es content? Ben, c'est la beauté du sport, Marc. Hein? On dit tout le temps qu'on est chialeux, mais c'est la beauté du sport. On est tous gérants d'estrade à quelque part. Là. Fait que... Absolument. Okay. Moi, mon prix orange, je vais y aller avec... T'as-tu d'autres prix citron? Ben, je peux y aller? Non, moi, c'est... écoute, la caisse est complète. Okay. Moi, mon prix orange, je vais y aller, je vais le donner à Drew Brees. Drew Brees, écoute, il a lancé sa 500e passe de toucher la semaine dernière. Il a toujours été dans l'ombre de Peyton Manning, a toujours été dans l'ombre de Tom Brady, puis à la fin de la journée, comme dirait Marc Bergevin, il sera pas il va finir probablement comme le deuxième carrière de l'histoire de la NFL derrière Tom Brady, parce que je pense que Brady est à 504, Brady c'est à 500. Il a toujours été un choix de deuxième ronde. On dit tout le temps qu'il était trop petit pour évoluer dans la NFL. Ben, regarde ses chiffres. Ah ouais, puis Drew Brees en plus, il a sa bague. Ouais. Il a son Super Bowl. Il a gagné, là. Ouais. Puis Drew Brees, autre chose, c'est que c'est un des rares carrières qui a battu toutes les équipes de la NFL. Oui. Il a gagné, il a battu parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un produit des Chargers de San Diego. Puis il peut-être sa blessure. Peut-être qu'on l'a regardé avec les Chargers, on ne saura jamais. Ouais. Mais. Il a battu toutes les équipes. Il a battu les Chargers avec les Saints. Il a battu les Saints avec les Chargers. Puis il a battu avec la victoire contre Baltimore la semaine dernière. Ouais. C'est le seul club qui manquait. C'est le seul club qui manquait. Tu sais il a gagné contre tout le monde. Tu sais que Drew Brees, tu parles de blessure de Drew Brees. À la prime abord, il avait signé avec les Dolphins de Miami comme joueur autonome. Et le médecin des Dolphins avait passé l'examen médical pour confirmer que Brees, tout était beau, pouvait signer avec les Dolphins. Et il n'avait pas passé l'examen médical. Et là, il était redevenu joueur autonome, et là, il a signé avec les Saints à Anverley. Ouais, moi, je me souviens qu'à l'époque, et ça, j'ai pas toute l'information là-dessus, mais je pense qu'on avait préféré Dwante Culpepper. Ouais. Ah, ouf! Et Dwante Culpepper est rendu... Là, il est chez eux. Je pense qu'il est chez eux. Il est chez eux. Les Dolphins, y a-tu... Moi, ça fait depuis 2007 que je suis le football de façon plus intense. Depuis Dan Marino, là, c'est phénoménal, les cas. Faut rire de moi avec les Bengals, mais les Dolphins, depuis Dan Marino, c'était tranquille. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, mon prix citron, j'en ai trois. J'en ai deux autres. Excuse, j'ai deux au prix orange, mais c'est des tranches d'orange. Je vais le donner. Écoute, j'ai jamais été à ce challenge-là. Mais je trouve de Dolbo Mistassini que ce tournoi de tennis-là a l'air à fonctionner. C'est Challenge Banque Nationale. Il a l'air à bien fonctionner. Ça a l'air à être un beau petit tournoi. Fait pour. Je te parle en général. Je te parle pas de cette année ou de l'an dernier ou peu importe. Là, mais ça semble être un beau petit tournoi pour le Challenge Banque Nationale. Et pour la région aussi. Il reste aujourd'hui puis demain. Là. Demain, je vais au Gaillard. Je vais au Cougar au Janois d'Almois aujourd'hui. Contre Saint-Laurent, OK, au football. Contre les Gaillards. Parce que moi, ça fait plusieurs fois que... Parce que les Gaillards, il y a plusieurs joueurs de Dolbo Mistassini qui jouent pour les Gaillards en passant. Alors, tu vas avoir un bon match, mais vous pouvez venir au Challenger. Honnêtement, tu devrais aller faire un tour à un moment donné parce que t'es tellement proche de l'action, là. Mm-hmm. C'est ça qui est saisissant. C'est que t'es pas... Même si tu connais pas le tennis, même si t'aimes pas... Ben, si t'aimes pas, ça prend une petite base quand même, là. Mm-hmm. Mais t'es proche de l'action, ça nous change les arénas, ça nous change des terrains de baseball puis de football. C'est rafraîchissant à voir, honnêtement. Puis, il y a une proximité avec les joueuses qui sont là aussi. Puis, c'est super bien organisé. Le comité organisateur là-bas, c'est A1. Là. Fait qu'honnêtement, bravo. T'as raison. C'est un très, très beau tournoi. Mais, un autre prix orange que je donne. Tu sais, il y a des activités sur le lac Saint-Jean qui. On n'a pas fini de découvrir le lac Saint-Jean. C'était annoncé la semaine passée, sauf que je n'ai parlé cette semaine avec le responsable à Dan Radio Sports. Il y aura une compétition à partir du 23 février. Puis, je trouve que c'est une belle idée. La course à pied gagne de plus en plus en popularité. Et sur le lac Saint-Jean, 32 km entre Péribonka et Roberval le 23 février prochain. Ça risque d'être spectaculaire parce que, tu sais, traverser le lac Saint-Jean en hiver, il y a une compétition de fat bike, mais c'est pas pareil pantoute, là. Donc, c'est que, bravo encore sur l'organisation. Et mon prix citron? Mon prix citron, j'ai l'impression que tu vas en parler à Midi-Pile cette semaine. J'ai l'impression, c'est la saison des biographies. C'est incroyable comment tout le monde lance sa biographie. Je suis bon, Marc, t'y penses-tu lancer ta biographie, toi? Oh, non, ça serait très... Okay. Écoute, ça serait... Le gars marche, le gars écoute de la musique, le gars s'en va travailler. Ça serait ça, ma bio, pendant ton temps, 400 pages. Aussi. OK, OK. Donc, non, c'est blague à part, c'est Hugo Girard, qu'on en voit partout dans les médias actuellement, Hugo Girard qui tente de vendre son livre comme tout le monde. Wow. Ben, ça a sorti à Dominique Moret cette semaine, ça n'a pas été repris à nulle part ailleurs. Mais ça vient pas de n'importe qui, c'est Paul Hall. Tu sais qui, Paul Hall? Oui. Paul Hall est une sommité dans le sport olympique, dans le sport partout. Et Paul Hall mentionne dans sa biographie qu'Hugo Girard ment, il n'a jamais été l'homme le plus fort du monde. Parce que il n'a jamais gagné dans le livre, et Paul Hall, on va l'avoir lundi d'ailleurs à Dan Radio Sport, il va refaire le même genre d'entrevue qu'il a fait avec Dominique Moret. Dans le livre, ce qu'il mentionne, c'est qu'à 12 reprises dans le livre, Hugo Girard mentionne qu'il a été l'homme le plus fort au monde, alors que dans les faits, Hugo Girard a gagné une compétition qui servait de qualification pour le fameux championnat, le World Strongest Man, qu'on voit à RDS. Uh-huh. Et le World Strongest Man, il a terminé au quatrième rang. OK. Moi, je me dis, pourquoi mentir? Écoute, moi, là-dedans, là, je le connais pas personnellement, Hugo Girard. Ouais. Mais il y a une chose qu'il faut faire attention. J'ai pas entendu l'entrevue, j'écoute pas Dominique Morin. Ouais. Mais il y a deux choses là-dedans qu'il faut prendre en considération, okay? Est-ce que Paul Hall et Hugo Girard sont des amis ou pas pantoute? Ben, je peux te dire. Est-ce que Paul Hall, c'est la première fois qu'il s'en prend Hugo Girard? Parce que tu sais, ça, faut vérifier ça. Y a-t-il un clash entre les deux quelque part? Okay. Autre chose. Oublie pas une chose, Danny. Ouais. Hugo Girard, il est très aimé. Il est très, très, très aimé. C'est un gars qui est sympathique. Ah, c'est un gars. Il enlève rien. Il enlève absolument rien. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme Apollo, là, les menteurs. Parlons-en des menteurs. Là, le chef Apollo. Là, ça, c'était quelque chose. OK? Puis, lui qui a passé à TVA, là, Bugingo. Ouais, Bugingo, c'était épouvantable, ça, c'est des cas vraiment, vraiment lourds, là, tu sais. Mm. Mais, dans ce cas-là, est-ce que Hugo Girard, as-tu réagi? Ben, c'est ça que, moi, ça fait 3 jours, j'essaie de le rejoindre, puis je suis pas capable, puis... J'attendrais de voir la réaction, parce que, souvent, une biographie, c'est des propos rapportés par un auteur fantôme. Tu sais, je pense pas qu'Hugo Girard a pris son ordinateur puis il s'est mis à écrire un livre comme ça tout seul. Pas que je dis pas qu'il est pas, il est pas assez brillant pour le faire, mais écrire un livre, là, ça prend quand même une certaine doigté, ça prend, tu sais, pour rendre ça intéressant, là, ça prend ça, tu sais. Ouais. Moi, je ferais bien attention de vérifier de quelle compétition il parle vraiment. Parce que oui, Paul Hall, t'as raison, c'est une sommité, là, mais tu sais, on va aller se promener sur le boulevard Wahlberg, toi puis moi, Danny avec Paul Hall, puis les gens vont dire « Ah, c'est qui les deux gars avec Danny Veilleux? Ah, l'un, je pense, fait de la radio au Saguenay, l'autre, on ne sait pas si c'est... » Non, Marc, c'est pas... Tu sais que c'est très écouté ici, là, regarde. Tu sais, moi, je ferai attention, avant vraiment de dire qu'il a menti, puis il a menti, puis il a menti. Tu sais, moi, honnêtement, j'y regarde les compétitions, j'y regarde, quand je tombe là-dessus, là, les compétitions d'hommes forts, puis j'ai... Puis Hugo Girard, je me souviens pas qu'il gagnait de quoi de si prestigieux que ça à travers le monde non plus, là. Tu sais, puis je suis ça, tu sais, d'un œil intéressé, là, plus ou moins. Tu sais, je me souviens pas qu'il gagnait une grosse compétition non plus, tu sais. Mais tu sais, j'ai hâte de voir comment on va réagir. Moi, j'attends la version. Mais tu sais, on est loin d'Apollo. On est loin d'Apollo, c'est sûr. Mais tu sais, Paul Hall, écoute, c'est quand même une sommité. Paul Hall, ça n'a pas le charisme de Hugo Girard, je suis bien d'accord avec ça. Paul Hall, c'est pas loin d'être un intellectuel du monde du sport. C'est pas loin, c'est sûr. C'est pas loin. Donc, il faut quand même donner... C'est sûr que Paul Hall, il faut vraiment écouter le sport pour savoir qui est Paul Hall, mais les gens qui sont proches savent c'est qui. Je trouve ça juste plat. Tu n'es pas obligé, ça n'enlève rien. Le gars, qu'il soit champion du monde. Le monde se fout-tu de que Hugo Girard ait été champion du monde? Le monde aime Hugo Girard, that's it. Oui, t'as raison. Mais je trouve ça plate d'avoir menti. T'aurais pas fait mal. Tu sais, je me souviens pas non plus d'avoir vu... Il était quatrième. En réalité, il était quatrième. Parce que Paul Aldi a fini quatrième au World Struggle This Man. Je n'ai pas lu le livre non plus. Ouais. Je ne me souviens pas d'avoir entendu Hugo Girard dire que c'était l'homme le plus fort au monde. OK. Je m'en souviens pas non plus d'avoir entendu ça. Mais tu sais, j'ai hâte de voir si ça va être l'effet tempête dans un verre d'eau. Non, mais ça n'a pas été repris dans nulle part. C'est pas ça. Mais tu sais, il venait de pas là. Il y a Dominique Morin. C'est sûr que les médias de Montréal écoutent rien que la radio de Québec quand cette année est plantée. Puis ils l'écoutent. Attends un peu, Danny. Isabelle Haché au quotidien La Presse, là. Ouais. C'est elle qui sort les grands menteurs, puis je garde. Est-ce que ça l'intéresse? C'est vraiment le cas, là. Inquiète-toi pas que ça va être très Montréal. Est-ce que ça l'intéresse aussi, c'est une autre affaire? Et le vrai prix citron, c'est pas dans le monde du sport, parce que j'aime la politique autant que le sport. C'est notre Bernard Boum Boum généreux. C'est juste un petit commentaire, là. Ça n'a pas de bon sens. Marc, un gros merci. Fait qu'on s'en reparle encore une fois. Hey, tu m'as lancé une rapide à l'intérieur, toi. Ouais. OK. Donc, voilà, Marc Diquet, c'est plus orange et citron de la semaine.